Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Quand des policiers d'un pays traversent la frontière pour fuir l'avancée de la force ennemie, cela n'arrive pas souvent. Une centaine de policiers congolais ayant fui vers le Burundi ont été enregistrés ce mercredi. Nous aurons les précisions du ministre de l'Intérieur. Un incendie a ravagé des échoppes de la galerie dite Diziko, se trouvant à l'avenue du marché en face du siège de la Banque nationale pour le développement économique BNDE. C'était à 2h du matin ce mercredi. Aucun bilan des dégâts n'a pour l'instant été établi. Et chaque commune devra générer plus ou moins 600 millions de recettes par an, selon la nouvelle loi portant réforme de la fiscalité communale au Burundi. De quoi susciter le scepticisme de certains députés quant à la capacité pour certaines communes à y parvenir. La ministre en charge du développement communautaire était invitée ce mardi à l'Assemblée nationale. Dans la chronique sur les messages de haine, nous aurons des éclairages sur le fonctionnement des rumeurs, avec en toile de fond les témoignages des habitants de la zone Rugazi en commune Kabarole de la province Kayanza concernant l'entrée probable des rebelles sur le sol burundais. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une centaine de policiers congolais ayant fui leur pays sont en train d'être enregistrés au Burundi, annonce le ministre de l'Intérieur ce mercredi lors d'une réunion de tous les intervenants en matière d'accueil et de gestion des réfugiés. Le ministre Martin Niteretse précise que depuis le 12 février dernier, près de 35 000 réfugiés congolais ont été déjà accueillis à Chibitoke et en commune Gihanga de la province Bubanza. Suivez les précisions du ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse. Par rapport à l'accueil de ces Congolais, aujourd'hui, nous avons un nombre très important. Depuis le 12 février, on a à peu près 20 000 à Chibitoke ou légèrement supérieur et à peu près 5 000 à la province de Bubanza, précisément à la commune de Gihanga. Aujourd'hui, avec aujourd'hui, je vous parle, nous sommes en train d'enregistrer les policiers qui ont fui la République démocratique du Congo. C'est un terme de centaines jusqu'à maintenant. Donc vous comprenez que la situation peut se détériorer davantage comme là aujourd'hui. Et ces nouveaux réfugiés seront relocalisés vers le site de Moussigny en province de Routana afin de garantir leur sécurité. De nouveaux sites seront alloués au HCR et ses partenaires pour y accueillir ces réfugiés qui continuent à affluer vers le Burundi. Et l'aide humanitaire seront facilitées pour aider ces réfugiés en besoin. Telles sont les conclusions d'une réunion tenue à huis clos par les partenaires engagés dans la gestion des réfugiés, selon un communiqué lu par Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur. On l'écoute. Le gouvernement de la République du Burundi reconnaît le statut de réfugié prima facie à tous les demandeurs d'asile congolais arrivés sur le territoire burundais depuis le début de l'année 2025. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique mettra en place urgentement une commission ad hoc chargée primo, coordonner et superviser les mesures urgentes de sécurité, d'hébergement, d'alimentation, de santé, etc. Secondo, collaborer étroitement avec l'Office national pour la protection des réfugiés et apatrides, on ne prend en sigle, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, pour un enregistrement rapide et efficace des réfugiés. Question. Faciliter la gestion et la mise en œuvre de l'assistance humanitaire avec les partenaires nationaux et internationaux. Dans le cadre de la gestion ordonnée de cet afflux, les actions suivantes sont prévus. Premièrement, la relocalisation, c'est-à-dire les nouveaux réfugiés seront progressivement relocalisés vers le site de Moussigny, en province de Routana, afin de garantir leur sécurité et de fournir un environnement adéquat à leur accueil. Deuxièmement, nouveaux sites. Des nouveaux sites seront alloués au HCR et à ses partenaires pour y développer des nouveaux centres d'accueil destinés aux réfugiés qui continuent d'arriver selon leur nombre. Troisièmement et enfin, la coordination et le partenariat. L'ONU prend, sous la coordination du ministère de l'Intérieur et du développement de la sécurité publique, en partenariat, en collaboration avec la CER, assurera la bonne mise en œuvre de ces mesures en veillant particulièrement à la protection des personnes les plus vulnérables. C'était le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Des échoppes de la galerie dite Dico se trouvant à l'avenue du marché en face du siège de la marque nationale pour le développement économique MEN2 ont pris feu à 2h du matin ce mercredi selon leur propriétaire. Cet incendie a tout ravagé puisque l'intervention des pompiers s'est faite tardivement alors que cette catastrophe est la deuxième du genre au même endroit. Ils demandent le soutien du gouvernement puisque ces commerçants n'avaient même pas encore apuré les crédits contractés auprès des banques. Reportage Jean-Marie Vianenguen-Dakouman. D'après un des commerçants de chaussures dans cet espace, cet incendie s'est produit dans l'endroit où on joue le jeu de casino vers 2h du matin de son mercredi. Il témoigne qu'il est arrivé vers 3h du matin, mais malheureusement que toutes ces marchandises avaient pris fin. Il était vers 3h du matin quand on nous a mis au courant que la galerie est partie en fumée. J'ai immédiatement appelé mes collègues pour qu'ensemble nous allions voir quoi faire. On a pris des taxis. Arrivé, des sources sur place disaient que le feu s'est déclaré vers 2h du matin. Mais malheureusement, tout était déjà perdu. Il ne restait presque rien. La police était là, tentant d'empêcher que le drame ne prenne encore plus d'ampleur. Mais c'était trop tard. Il y avait presque plus rien à récupérer. On espère que l'État pourra nous aider, qu'il y aura une compensation pour ces pertes qu'il nous laisse diminuer. L'autre commerçant rencontré dans cet endroit indique qu'il a mal accueilli cette nouvelle du fait qu'il lui servait de source de revenus pour prendre en charge sa famille. C'est une triste nouvelle, car c'est difficile pour un simple citoyen, vu la vie qu'on mène ces jours-ci. On pourrait dire qu'on vivote, et surtout que c'est nous qui devons prendre en charge nos propres enfants, leur payer des frais de scolarité ou leurs rations, malgré le type de profession que nous exerçons. Parfois, c'est comme si nous vivons comme des veuves, alors que nous sommes venus ici pour trouver comment survivre. Par exemple, là où je conserve mes marchandises, on n'a rien trouvé. Tout est brûlé à l'intérieur. Tous demandent au gouvernement de leur venir en aide, expliquant que c'est la deuxième fois que cet incendie se produise dans cette localité, le premier datant de 2016. Le bilan de cet incendie n'est pas encore établi, mais les agents de la Croix-Rouge précisent que 6 personnes ont été blessées suite à cet incendie alors qu'ils tentaient de sauver leurs marchandises. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les acteurs dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie et de la restauration collective doivent respecter les normes de qualité dans leur domaine. D'après le coordinateur du Centre d'excellence régionale en sciences de la nutrition, c'était lors d'un atelier de sensibilisation sur ces normes ce mercredi. Le professeur Mélance Nungwenimana précise que cet atelier a été organisé après avoir constaté des plaintes de la population sur des produits de l'agroalimentaire qui présentent des lacunes. Suivez ces précisions. On suivait les informations, on voit qu'il y a quand même des produits qui ne respectent pas les normes et on voit des plaintes de la population sur des produits qui ne remplissent pas les normes. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas intervenir, surtout que nous sommes un centre d'excellence avec des spécialistes qui peuvent aider à faire respecter ces normes. Et c'est là où on a approché surtout le BBN, on a approché le CFCIB, mais aussi on a approché le PRODER pour se mettre ensemble afin d'aider les industriels, d'aider les restaurateurs à suivre les normes, à s'adapter aux normes. Et donc inciter les industriels, inciter les restaurateurs, mais aussi inciter tout le monde au respect des normes, mais aussi à une sorte donc de mise à niveau, une sorte de réseautage, une sorte d'information continuée sur les normes. Si on peut parler donc des conséquences, soit des conséquences sanitaires, mais aussi des conséquences économiques. Si donc si on ne respecte pas les normes, les gens vont tomber malades, mais aussi quand vous allez vendre, des fois vous n'aurez pas donc de la clientèle, bien même vous allez donc perdre donc de confiance pour vos produits. Pour les gens qui ne respectent pas les normes, nous les demandons donc de ne pas avoir peur. Donc le respect des normes fait donc augmenter donc la qualité des produits, mais aussi la valeur des produits. Donc nous les demandons de se conformer aux normes, d'apprendre comment se conformer aux normes pour pouvoir donc relever donc le défi donc de la qualité de leurs produits. Chaque commune devra générer plus ou moins 600 millions de recettes annuelles. Cela a été annoncé par Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire, au moment où il était invité ce mardi à l'Assemblée nationale lors de l'analyse et adoption de la nouvelle loi portant réforme de la fiscalité communale au Burundi. Certains députés ont exprimé leur scepticisme quant à la capacité pour certaines communes à y parvenir en raison de leur dimension ou de leurs ressources. Ils donnent l'exemple d'une commune qui ne possède qu'un seul marché. Martin Niteretse répond qu'ils vont leur suggérer des stratégies susceptibles de leur permettre de faire suffisamment de rentrer dans les caisses communales. Reportage Clovis Niongour. Lors de la présentation des principales innovations apportées dans ce nouveau projet de loi portant réforme de la fiscalité communale au Burundi, Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire, a annoncé qu'avec ce projet de loi, chaque commune devrait être économiquement indépendante. Il a déclaré qu'en vertu de cette même loi, chaque commune pourra générer au moins 600 millions de recettes annuelles. Nous avons essayé de mettre ensemble les communes ayant des traits communs, c'est-à-dire qu'aucune ne pourrait manquer au moins 600 millions de recettes annuelles. Aujourd'hui, si on observe réellement les recettes perçues par les communes, on constate que c'est toujours peu de recettes au moment où certaines communes n'atteignent pas 150 millions par an. C'est dans le cadre de les sensibiliser pour contribuer au développement de la population. Honorable Marie-Rose Niyonsaba se dit être inquiétée qu'il y aurait des communes qui seraient incapables de collecter ces recettes annuelles. Elle donne l'exemple de la commune de Butaganzwa dans la nouvelle province de Buhumuza. Selon elle, cette commune n'a qu'un seul marché. Je reviens sur la commune de Butaganzwa, située dans la nouvelle province de Buhumuza. Cette commune est occupée par peu de population et elle n'a qu'un seul marché. Est-ce que cette commune pourra générer ses recettes? Face à cette inquiétude, le ministre Martin Niteretse indique que l'administration accompagnera cette commune pour qu'elle puisse percevoir les recettes attendues. Il ajoute qu'elle a en outre des terres fertiles et que les habitants de cette localité devraient pratiquer l'agriculture, l'élevage et exercer d'autres activités. Ce que je vous informe sur cette commune de Butaganzwa, si elle n'a qu'un seul marché, il y a aussi un problème de rendement. Il faut qu'ils cultivent parce que leur terre est fertile. Ils devraient aussi tenir compte de l'orientation du président de la République selon laquelle chaque citoyen devrait avoir à écouler pour être libre économiquement. Bientôt, je vais y arriver pour constater moi-même la situation. Donc, je suis sûr que la commune peut se développer parce qu'elle a une grande potentialité. Parmi les autres innovations de cette nouvelle loi, il y a entre autres protection des contribuables pour payer les recettes librement. C'était un reportage de Clovis Niyonkuru. Certains hommes et femmes de la zone Mitakataka en commune Mubanza signalent la persistance dans leur localité des cas de désertion du ménage dans parmi les responsables de famille. Tous affirment que cela est dû au fait que les conjoints ne s'entendent pas sur la manière de gérer les biens de la famille. Ils dénoncent cependant que des fois les autorités prennent parti. Du côté de l'administration, on affirme qu'ils essaient d'aider ces conjoints à s'entendre en leur montrant le bien fondé du vivre ensemble. Sheila Irambona. Cette femme est parmi les femmes de la zone Mitakataka en province Bouvanza qui témoignent qu'ils observent encore dans leur localité des hommes mariés légalement qui délaissent leur famille. Selon elle, cela est déplorable car des fois les autorités locales prennent parti et les enfants de ces familles sont victimes de cette situation. L'autorité locale d'où on vivait était un ami de mon ex-mari. Lorsque j'ai voulu lui dire ce qui se passait, il n'a pas voulu m'entendre. J'ai tout laissé tomber. On lui a sommé de me donner une pension alimentaire pour mes enfants et un le pain de terre. Il n'a rien fait. Les conséquences retombent sur les enfants, car si les enfants voient que les parents s'entre-déchirent, ils fuguent. Même celui qui était sur le banc de l'école n'y retourne pas. Les hommes également sont touchés par cette situation. Celui-ci témoigne que les femmes, elles aussi, délaissent leur ménage. Il indique aussi que les hommes, des fois, délaissent leur ménage car ils sont incompris par leurs conjoints. Si jamais une chèvre est chez moi et que je la donne à ma femme et celle-ci me dit que j'ai pas droit sur cette chèvre, est-ce que je peux pas la quitter? Si tu es avec quelqu'un et que vous avez vécu des moments difficiles et que vous avez tissé aussi des liens, est-ce que vous pourriez dilapider les biens que vous avez cherchés ensemble sans rien lui dire et sans raison? Toutes ces personnes, hommes et femmes, demandent assistance et aussi à ce que les autorités changent de comportement. Si une femme a de l'argent et qu'elle est sous doigt cette autorité alors que toi tu ne paies pas, qu'est-ce que tu peux lui demander? Nous, les hommes, nous pouvons être malmenés et ne pas avoir d'aide comme les femmes ont eu cette assistance. Aidez-nous à trouver une association qui peut nous écouter. Je demanderai à ce qu'ils puissent m'aider parce que je n'ai pas divorcé. J'ai manqué d'assistance. Premièrement, que nos autorités changent de comportement de la base jusqu'au sommet. Une femme pauvre est souvent dénigrée, ils ne te reçoivent même pas. Que cela change? C'est déplorable que les gens continuent à se plaindre alors qu'ils ont des autorités que ces dernières ne rétablissent pas dans leurs droits. Pourquoi est-ce que nous votons pour eux? Ils ont quelle importance pour nous? Même si ces gens se plaignent ainsi, une animatrice communautaire de cette localité rassure qu'elle essaie d'épauler ces personnes en cas de besoin et qu'elle les sensibilise à chaque fois à changer de comportement. Les hommes nous confient leurs problèmes, mais ils ne sont pas nombreux. Par rapport aux femmes, ils ont tous des problèmes, nous concernent tout le monde. Cela est dit au moment où le Code des personnes et de la famille, en son article 138, stipule que si certains conjoints délaissent leur ménage et qu'ils manquent à leurs obligations, le tribunal de résidence est le seul compétent pour connaître au premier degré des actions alimentaires. Parle, rassure-moi. Les rumeurs sont des informations dont l'origine est inconnue et la véracité douteuse et qui se répandent dans le public selon le chef de département en journalisme et communication à l'université du Burundi. C'est après que des habitants de la zone Rugazi en commune Kabarore de la province Kayanza disent qu'ils entendent ces jours-ci des rumeurs liées à l'entrée des rebelles sur le sol burundais. L'administrateur de la commune Kabarore indique qu'ils essaient de donner leur version pour tranquilliser la population, ce qui est d'ailleurs recommandé par Dr Hélène Mawenimana pour faire face à ces rumeurs. Ornella Mucho. Les rumeurs sont des informations dont la véracité est douteuse et la source est inconnue. Sur ce, des habitants de la zone Rugazi en commune Kabarore de la province Kayanza disent qu'il y a des tensions et peurs autour des rumeurs persistantes qui font état de l'existence des rebelles sur le sol burundais. Nous vivons dans la grande peur. On ne peut même pas trouver de sommeil avec ces rumeurs. Dimanche, il y avait des informations qui disaient que les rebelles sont déjà sur le sol burundais. On n'a pas bien dormi. Nous sommes déstabilisés par ces rumeurs. Nous devons rester vigilants. On ne peut pas ne pas avoir peur. Ils demandent aux autorités de donner régulièrement des éclaircissements par rapport aux rumeurs pour tranquilliser la population. Dans ces conditions, on demande aux autorités de rester près de la population. En réagissant par rapport aux rumeurs qui circulent pour tranquilliser la population. Docteur Hélène Mahonimana, chef de département journalisme et communication à l'Université du Burundi, interpelle les récepteurs de ces rumeurs de suivre des médias reconnus pour avoir des informations vérifiées. Les conséquences de ces rumeurs sont nombreuses. Certaines personnes peuvent prendre fuite du pays par peur d'être tuées. Certaines personnes ou les citoyens peuvent entrer en conflit, peuvent s'accuser mutuellement. Nous pouvons retomber encore une fois dans des situations comme celles que nous avons vécues depuis la crise de 93. Certaines personnes peuvent même abandonner ou suspendre leur projet de développement. L'économie nationale peut même en souffrir. Je recommanderais aux récepteurs de ces rumeurs d'être tranquilles, de ne pas participer dans la diffusion de ces rumeurs, de faire des recherches approfondies pour avoir des vraies informations en rapport avec ces rumeurs. Et, très important, je leur recommanderais de suivre les médias de confiance qui offrent des informations bien collectées, bien analysées avant d'en faire la diffusion. Et suggère aux autorités de donner la vraie information à temps pour réduire la propagation des rumeurs. Le rôle des autorités est d'importance capitale. Je leur recommanderais de tranquilliser en premier lieu les citoyens pour que certaines personnes ne pensent pas à fuir le pays. Je leur recommanderais de faire recours aux médias pour donner à la population des informations en rapport avec ces rumeurs d'une manière régulière, sans cacher aucun aspect de ces derniers et à temps. L'administrateur de la commune Kabarore indique que l'administration de cette localité essaie de réduire ces rumeurs en donnant des informations régulièrement. Docteur Hélène Mahonimana souligne que la rumeur peut animer des tensions et créer de la méfiance à l'égard de l'autre jusqu'à provoquer des violences de masse. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne tournez pas le bouton. Les programmes de Radio Isanganiro continuent.